Chapitre 59e. Comment ce secours inespéré arrivait-il à la pauvre cerise? Comment Léon Roland et M. de Kergaz, qui avaient si longtemps et si inutilement cherché la retraite des deux jeunes filles, avaient-ils pu la découvrir? C'est ce que nous ne pourrons expliquer qu'en faisant un pas en arrière et en retournant à des personnages un peu négligés depuis quelques chapitres. Nous voulons parler de Rocambole et de la veuve Pipard. Le baronnet Sir William savait deviner dans le fils adoptif de la veuve, dans ce vaurien sans pudeur, les rares qualités qui font le scélérat sans préjugés, l'assassin philosophe et le voleur plein d'astuces. Rocambole avait du sang-froid, de l'audace, une grande pénétration d'esprit, un courage à toute épreuve, et il était muet comme la tombe sur toute chose. Si Rocambole possédait un secret, il ne le livrait que contre espèce, c'est-à-dire après en avoir tiré tout le parti possible. Le baronnet avait donc deviné toutes ses qualités et il s'était dit « Voilà le remplaçant de Collard, si le malheur veut que je n'ai pas les 12 millions, ce qui me paraît bien difficile, et même si je les ai en épousant Hermine, car je continuerai sourdement la guerre que je fais à Armand. » Dans son esprit donc, Rocambole était du bois dont on fait les hommes d'action, et il l'investit, en repartant pour la Bretagne, de pouvoir illimité. « Je vais, lui dit-il, faire un petit voyage assez fructueux. Quelque chose comme 1 million à prendre. » Rocambole fit un geste d'admiration, bien que Sir Williams n'eût accusé 1 million au lieu de 12. « Le coup sera fait probablement d'ici à 15 jours, poursuivit le baronnet. « Un beau coup, capitaine. Si à mon retour, les petites ont été bien gardées, tu auras ta part du gâteau. Pourrait-on savoir combien ?» demanda effrontément le vaurien. « Cela dépendra. Mais encore. Eh bien, dit Sir Williams, peut-être 10 ou 12 billets de 1000. « Bah, capitaine, dit Rocambole, faisons le compte-rond, plaît-il ? » demanda le baronnet. « Et je vous promets que vous serez bien servi, et que le préfet de police lui-même ne découvrira point ces demoiselles. Qu'appelles-tu le compte-rond ? 20 au lieu de 12. C'est cher, le bon ouvrage ne l'est jamais. » « Soit, dit Sir Williams. » Et il partit, donnant à Rocambole de minutieuses instructions, et lui laissant une poignée de louis, pour faire face aux dépenses imprévues que pourrait nécessiter la surveillance à exercer sur les deux jeunes filles. Décidément, s'était dit Sir Williams, tandis que sa chaise de poste montait au grand trot la rue d'enfer, je crois que je tiens autant à être aimé de cette petite Jeanne qu'à tenir les 12 millions de ma future. Don Juan, chez moi, se rêvait toujours sur le masque de l'homme positif. Lorsque le baronnet fut parti, Rocambole s'installa dans le petit hôtel de la rue Beaujon et y commanda en maître. Puis il alla à Bougival et y rejoignit la veuve Pipard. L'horrible vieille avait des remords. Elle se repentait d'avoir vendu Nicolas à Sir Williams, et Rocambole la trouva tout affligée. « Madame, dit le vaurien, pas de regret. Ce qui est fait est fait. »« Ah !» soupira la veuve Pipard. « Il n'était pas mauvais, ce pauvre Nicolas. »« Non, seulement il vous battait comme plâtre, chère maman. »« C'est vrai, mais ça n'empêche pas. » Et la veuve mit la main sur ses yeux. « On le guillotinera, pour sûr, » dit-elle en pleurant. « Bah, ça ne dure qu'une minute. » La veuve frissonna. « J'ai vu ça souvent, moi, » poursuivit froidement Rocambole, « à la barrière Saint-Jacques. Faut tout voir en ce monde, et puis il faut s'habituer à tout. On ne peut pas savoir. Je serais peut-être fou chez moi aussi, et j'ai voulu me rendre compte de l'opération. » La veuve Pipard poussa un gémissement. « Foi de Rocambole, » murmura le vaurien, « si on en revenait, je me ferais volontiers faucher pour voir. » Ça ne doit pas être désagréable. » La veuve Pipard pleurait pour tout de bon. Cette mégère avait senti se réveiller en elle une sorte d'attachement pour son ancien amant. Attachement qu'on oserait appeler de l'amour sans profaner ce mot, mais qu'on aurait pu définir par le mot d'affection brutale. Niccolo la battait, comme avait dit Rocambole, et la femme avilie aime à être battue. Rocambole comprit que dans un moment d'exaltation, la veuve pourrait bien retourner chez le commissaire et faire de nouveaux aveux qui changeraient tout à fait la face des choses. « Maman, dit-il, tout ça c'est bête, ce qui est dit, et vous trouverez bien un gars qui vaudra mieux que Niccolo, sous tous les rapports. Jamais Niccolo n'a valu les 4 000 francs que le capitaine vous a donnés pour le faire faucher. » Les mots de 4 000 francs calmèrent un peu le désespoir de la veuve. « Écoutez, maman, poursuivit Rocambole, ce n'est pas 4 000 francs de plus ou de moins qui gêneront beaucoup le capitaine. Je vous en promets 8 000, si vous êtes sage. » La veuve Pipard releva la tête. « Toi, dit-elle, tu me promets, Je promets, je tiens. Toi ? » Et la veuve regarda Rocambole avec étonnement. « Soyez calme, » dit le gamin, se servant d'une expression bien connue dans les faubourgs de Paris. « Je sais ce que je dis. Le capitaine fera tout ce que je voudrais. » Alors, la veuve fit part, en essuyant tout à coup ses larmes, « Au lieu de 8 000, demandez-en 10. »« Bah, pour 10 000, » répondit Rocambole, charmé de voir la veuve revenir à d'autres sentiments. « Mais vous serez sage. » « Nous achèterons un fonds à Bercy, » reprit la veuve en entrant dans un autre ordre d'idées. « C'est la place aux marchands de vin, Bercy. Ils y font tous fortune. »« Oui, » dit Rocambole, « mais vous déposerez bien à la cour d'assises. » La veuve poussa un dernier soupir. « Il le faudra bien, » dit-elle. « Et carrément, n'est-ce pas, sans sourciller et sans dire un mot de vérité. »« Oui, oui, je te le promets. »« D'ailleurs, » dit Rocambole, « le capitaine est parti, il ne reviendra que dans 15 jours. » Nicolas sera jugé d'ici là, peut-être, et dans tous les cas, vous n'aurez l'argent qu'après la rentrée des foins, c'est-à-dire après la fauchaison. » Et Rocambole se prit à rire de cet atroce calembour. La veuve fit part eut un dernier frisson, puis la perspective d'un fonds de marchand de vin à Bercy la calma tout à fait. « Après tout, murmura-t-elle, en songeant une dernière fois à Nicolas, il commençait à vieillir, le pauvre homme, il était tout chauve. Et il n'avait plus de dents. » Acheva le Vaurien. À partir de ce jour, la veuve Pipard ne songea plus à Nicolo et demeura fort tranquillement cachée, tantôt dans le petit pavillon de Bougival, tantôt à Port-Marly, chez le vieux pêcheur, son ancien complice. Rocambole allait et venait de Paris à Bougival et de Bougival à Paris, veillant à ce que les ordres du capitaine fussent exécutés et ne s'aventurant jamais en plein jour dans les environs du cabaret où Collard avait trouvé la mort, car il craignait que le comte de Kergaz ne fit surveiller ce lieu. 10 jours s'écoulèrent. Un soir, Rocambole se trouvait rue Beaujon. La chaise de poste de Sir Williams franchit la grille du petit hôtel, et Rocambole aperçut Sir Williams et le beau préau qui arrivaient de Bretagne. On sait ce qui s'était passé, et comment l'arrivée subite du comte de Kergaz avait à jamais ruiné les espérances du baronnet. Sir Williams accourait donc à Paris avec l'intention d'enlever Jeanne et d'abandonner Cerise à beau préau. Sir Williams avait le front soucieux. S'il n'était pas homme à se laisser abattre par un aussi rude échec, du moins, il ne pouvait surmonter une certaine exaspération concentrée au fond de son cœur et qui se reflétait par instants sur son visage. Ce n'était plus cet homme à froideur britannique, dont l'impassible visage ne trahissait jamais les émotions secrètes. Le sourire railleur et tranquille qui plissait d'ordinaire ses lèvres avait disparu. C'était un homme transformé. Un feu sombre brillait dans son regard, une pâleur nerveuse couvrait son front. « Oh !» pensa Rocambole, à qui rien de tout cela n'échappa. « Est-ce que le coup serait manqué, et le milieu serait-il tombé dans l'eau ?» Mais le baronnet lui dit d'un ton sec, « Sont-elles toujours là-bas ?»« Toujours, capitaine. » Un soupir de soulagement s'échappa de la poitrine de M. de Beaupréau. « Ah, beau-père !» dit le baronnet, « au moins nous n'aurons pas tout perdu. » Alors Sir Williams donna à Rocambole de nouvelles instructions. Il l'envoya à Bougival préparer cet enlèvement et cet attentat dont Cerise avait failli être victime et qui peut-être attendait Jeanne. Rocambole laissa le baronnet et M. de Beaupréau se reposer à l'hôtel de la rue Beaujon et y attendre la nuit. Puis il courut à Bougival exécuter les ordres qu'il avait reçus. Depuis 8 ou 10 jours, le Vaurien faisait cette route presque tous les jours et jamais il n'avait rencontré personne de suspect dans le petit sentier détourné qui montait de Bougival à la villa. Comme toujours, le chemin était désert lorsqu'il monta, mais lorsqu'il redescendit, la nuit était venue et il était assez sombre. « Cette nuit, se disait Rocambole, je crois qu'il se passera d'assez drôles de choses à la villa, mais c'est égal. Le capitaine a une mine de déterré, et je crois que le million... Ah ça !» s'interrompit-il tout à coup, s'il allait me flouer. « S'il est 20 000 francs, diable !» C'est que j'aurais pu les avoir du compte, moi, en lui disant « sont les petites ». Rocambole en était là de son monologue lorsqu'une ombre muette se dressa tout à coup devant lui. Une ombre muette qui marchait lentement et lui barrait le passage. « Qui est là ?» demanda le Vaurien, qui chercha tout hasard un couteau dans sa poche. Mais l'ombre ne répondit pas. Elle ne lui donna ni le temps de réfléchir, ni le temps d'ouvrir son couteau. D'un bond, elle s'élança vers lui et Rocambole se sentit étreint par 2 bras vigoureux et une voix sourde lui murmura à l'oreille. « Ah, je te tiens, petit brigand, je te tiens enfin, et cette fois tu parleras. » Et Rocambole, qui cherchait toujours à ouvrir son couteau, Rocambole sentit qu'on lui appuyait sur la gorge quelque chose de froid et de pointu, une lame de poignard.